Et est-ce que tu as déjà goûté la cuisine algéro-haïtienne? J'ai déjà goûté la cuisine haïtienne, honnêtement, ça va. Arrête, arrête, arrête, ça va. Qu'est-ce qu'il y a? C'est du riz et du poulet avec un poisson Ouais, dessus. c'est ça, des rots, du riz, du poulet avec des épices, Putain, j'ai etc. dit ça pour rigoler, je te jure, t'as dit ouais. Espèce Hans d'enfoiré. Non, Gruber. mais le Hans problème, Gruber, non, mais le cher problème, c'est enfoiré. commandeur. Commandeur, tu me dis riz et poulet, mais moi je vais te sortir 50 pays sud-américains, Caraïbes et Africains, je vais te dire riz et poulet, tu vas me dire ouais, c'est ça. Ben non, je te jure, c'est vrai, c'est riz au poulet. Ils appellent ça du griot, je sais pas comment ça s'appelle. Ils ont pas une petite galantita, tu vois, genre haïtienne, stylée. Non, non, non, non. Là, on parle gastronomie, c'est de la haute cuisine tout ça, quand même, ça fait rêver ça. Ça fait rêver les petites papilles. Ouais, Les garantitas, les garantitas. Comment t'appelles ça, toi? Quelle est ta trilogie, toi? T'as un grand état. attends, t'es pas. T'as la pizza carton. Ouais, grand état, pizza carton. Puis après, t'as le choix, tu vois. T'as tellement de. T'as couscous semoule, un légume. T'as couscous escargot, couscous pastèque, couscous royal garbite merguez. Ils Couscous sont pas pastèque, incroyables. ça c'est quoi, c'est. Ah oui, c'est un grand cru ça. Et Putain, puis ça fait après, tu as beaucoup. tout ce qui est fusion, qu'on appelle fusion chez les Algériens. Donc c'est cassoulet halal, champagne halal, Le vin Koutoubia. la choucroute halal, jambon beurre halal. Après, quand tu demandes, tu t'attends. Regarde, tu me dis jambon beurre, c'est quoi? C'est du porc. Le mec, il te fait. Non, déjà, tu lui tends la perche. Tu lui dis, bon, t'as mis de la dinde. T'as mis de la dinde. Non, c'est pas vraiment ça, c'est du cochon halal et tout. Qu'est-ce qu'il y a, le cochon? Il a récité la Fatiha avant de mourir. J'ai pas compris là. Tu vois, tu Non, comprends rien. le cochon, il savait lire le Coran. Non, mais c'est tu vois, c'est comme les bars PMU algériens, tu comprends pas. Ils disent, c'est français, mais c'est halal. Je comprends pas. Moi, je suis perdu, commandeur, l'islam républicain, l'algérienne, l'indigénat, la Delkader, je comprends rien. Moi, je comprends que ma tradition depuis 1300 ans.